Les jaloux me méprisent, m'ont déjà condamné. D'où je suis, je rigole, pas nourri à la même école. À l'époque t'avais des couilles, aujourd'hui devenu molle. J'ai rappé soft, mais aucune audience. Enclenche le mode physique et on recommence. Yeah, j'ai la patience qu'il faut, rien ne pourra me stopper. Fais tourner l'info, FIDE, c'est venu te cartonner. Toujours au max dans ce que je fais, mets le niveau au max, des max, sans roue arrière sur les Champs-Élysées. Toujours plus, vous me direz, mais déjà me noter. Faudra me baïonner pour m'empêcher m'exprimer. Hey, beaucoup de rimes et c'est normal, je vais te friter, te rouler jusqu'au ton carrier pour te poquer. On fout le bordel, mais la zone vous rappelle que l'heure sonne. On fout le bordel, vous rappelle que rien nous résonne. Zone, on fout le bordel, mais la zone vous rappelle que l'heure sonne. On fout le bordel, vous rappelle que rien nous résonne. Zone, on fout le bordel, mais la zone vous rappelle que l'heure sonne. On fout le bordel, vous rappelle que rien nous résonne. Zone, on fout le bordel, mais la zone vous rappelle que l'heure sonne. On fout le bordel, yeah, yeah. Mais qu'est-ce tu veux que je te dise à part que j'en ai rien à foutre. Dans mon esprit c'est clair, dans le tien c'est le doute. Je deviendrai sûrement pas le physique que vous attendiez, mais dans le doute et en attendant je le fais. Pourquoi? Eh bien c'est simple, en vrai j'ai que ça. La musique c'est le pied, hein, check ça. Souvent je me dis que j'arrête et je remets ça. Le mix parfait entre grosses et connes et Loana. Je connais rien au son, je plaque tout, demande l'addition. FIDE ZD, mon blaze attire l'attention. Parti de rien, je fais monter la pression. Le son qui vient de l'underground rentre en action, yeah. Et je suis jamais parti. Mon kiff c'est toujours de revenir. Je reviens toujours à fond, toujours présent, toujours dedans. Mais je ne suis pas parti. FIDE ZD, bien plus qu'un blaze, une philosophie. Quand je pose mon flow, yeah, le mic devient dur. Érection musicale, le plaisir à l'état pur. Et si tu demandes qui c'est, n'essaye pas de me chasamiser.